quart de mes idées, je les joue à coups de dés pour ne plus te retenir. La chandelle s'en est allée, avec elle on a coulé. Je veux dormir. Si loin déjà, loin de moi, si loin déjà. Pourquoi faire tout foutre en l'air? Pourquoi faire tout foutre en l'air? Le temps devient long, de la chambre au salon. Je sais plus où je suis, qui je suis. Une question, dis-moi où je suis, dis-moi qui je suis. Hey, et toi viens ici, je te pose une question, je te pose une question. Je t'offre une journée qui n'est plus de cette année. Pourrais-tu la retenir? À descendre et à monter, je ne sais plus de quel côté je peux sortir. Loin de moi, si loin déjà. Pourquoi faire tout foutre en l'air? Pourquoi faire tout foutre en l'air? Le temps redevient long, de la chambre au salon. Je sais plus où je suis, qui je suis. Toi viens ici, je te pose une question. Dis-moi où je suis, dis-moi qui je suis. Hey, et toi viens ici, je te pose une question. Je te pose une question, réponds. Ah.